tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancrède Ramonet, réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a 2 documentaristes qui tentent une expérience et qui se demandent si la sexualité est aussi essentielle qu'on le dit. Et puis finalement, on peut se demander aussi, est-ce que l'abstinence a des vertus ? Alors pour commencer, les personnages. Une historienne qui remonte le temps, un sportif qui entraîne, une chercheuse qui déroule, un philosophe qui raconte, un sportif face au mythe, un historien de la chasteté, des séminaristes qui s'imaginent, et Jeanne d'Arc et Louise Michel. Ensuite, le décor. Olympie, Athènes, un centre d'entraînement des légendes, des rings de boxe, l'érémitisme, une pomme, des vœux de l'amour, des pulsions, la révolution et des cornflakes. Et bien sûr, comme on parle de sexualité, merci d'éloigner les oreilles les plus sensibles. Aujourd'hui, 3e épisode, on regarde un film. Le sexe. Franchement, monsieur Bodycore, ce petit bout de chair qui pendouille entre vos jambes est une arme dangereuse qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire pour votre santé à tous les deux. Mais nous n'avons pas eu, pas dernièrement, pas depuis que... pas... Ma conclusion scientifique est que le sexe est inutile et dangereux. Mais c'est un peu exagéré. Vous ne pouvez gaspiller de cette façon votre fluide vital. Le choc pour votre système peut être fatal. Voulez-vous souffler là-dedans ? Des vertus de l'abstinence. Un documentaire d'Ovidie et Tancrède Ramonet. J'ai des érections. Vous avez quoi ? Des érections ? Il a des érections ? Je vous préviens, monsieur, une érection est un mât planté sur votre tombe. Je n'y peux rien. Alors écoutez-moi, Bodycore. Nos appétits primaires peuvent et doivent être contrôlés. Je suis moi-même un moine en ce qui concerne les relations sexuelles, et je suis par conséquent un exemple de bonne santé, tout comme ma chère et belle femme. Je ne réalisais pas. Fort heureusement, je peux vous aider. Mais ça remonte à quand, cette histoire de pureté dans la chasteté ? Ça commence avec le christianisme ou ça commence avant ? T'as travaillé un peu là-dessus ? Oui, j'ai lu, consulté, réfléchi. Et je me suis rendu compte d'abord que, comme toujours en matière de sexualité, on est plein de préjugés, d'idées reçues. Parce que les premières théories de l'abstinence, elles sont bien antérieures au christianisme. D'ailleurs, la sexualité débordante a toujours été considérée comme un problème. Dans les grands mythes fondateurs, la sexualité de Zeus, celle de Priape, et même, à l'origine du monde, celle d'Uranos. Mais ce serait une erreur aussi de ne considérer l'abstinence dans l'histoire que sous l'angle de la contrainte, ou de la censure, ou de la coercition. L'abstinence, elle a aussi été prônée comme un moyen de s'élever, de se dépasser, voire de s'affranchir. Et ça, loin du cadre religieux. La preuve de ça, en Occident, ce sont d'abord des philosophes et des scientifiques, et non des moindres, qui en ont été les premiers apôtres. Pythagoras, qui était un philosophe très important, ont vu les relations sexuelles comme grossières, comme quelque chose que font des animaux, qui n'était pas digne pour les êtres humains. Et c'était quelque chose qui aussi tirait les forces et puis fait la sécheresse dans un corps. Parce que pour les hommes, quand ils ont eu le sexe, ils ont perdu une force vitale, le sperme, qui était quelque chose magnifique même. Donc, il fallait qu'un homme pensait bien avant de vider son sperme. La femme avait aussi un liquide, mais ça, c'était rien. C'était de l'eau. Elisabeth Abbott, historienne, autrice de l'histoire universelle de la chasteté et du célibat. Platon était très influencé par Pythagoras sur beaucoup de questions. Et il a vu le sexe comme quelque chose pour lequel il y avait beaucoup de dédain, mais il dit que l'amour, au contraire, c'est quelque chose de sacré et élevant, une belle chose. Mais il ne fallait pas exprimer l'amour par les actes sexuels. J'ai dit moi-même que j'avais un moyen pour faire passer la loi qui oblige les citoyens à se conformer à la nature dans l'union des deux sexes destinés à la génération, qui interdit aux mâles tout commerce avec les mâles, qui pareillement interdit avec les femmes tout commerce qui ne remplirait pas la fin de la nature. Si cette loi devenait universelle, elle produirait une infinité de bons effets. car elle délivrerait les hommes de cette rage, de ces fureurs qui accompagnent l'amour. Elle établirait la concorde et l'amitié dans les mariages et procurerait 1000 autres biens à quiconque peut être assez maître de soi-même pour l'observer. Platon, Les Lois, livre 8. Mais les premiers médecins s'y mettent aussi. Et à leur tour, ils s'intéressent à l'usage des plaisirs et au contrôle des désirs. Ouais, mais si ils peuvent accorder certaines vertus à l'abstinence, pour les hommes, en revanche, pour les femmes, l'absence de sexe est considérée comme assez néfaste. Parce que, dans la Grèce antique, on considère qu'elle est responsable d'une toute nouvelle maladie qui vient d'être inventée et qui est provoquée par les mouvements désordonnés de l'utérus à l'intérieur de leur corps. Ah mais oui, et c'est ce qui a donné lieu au mythe de l'hystérie. La femme hystérique, ça vient de là. Il y avait le grand médecin Hippocrate, que nous connaissons très bien même maintenant, qui a dit que pour les femmes, un manque de relations sexuelles leur rend folle et malade jusqu'au point de la suicide parce que leur utérus est sèche à cause d'un manque de sperme. Et cet utérus tellement sec voyageait partout le corps sans relâche. Et une femme hystérique, parce que ça c'était le diagnostic, son utérus était en rébellion contre ce manque d'activité sexuelle. Ayant vu beaucoup de femmes hystériques, car c'est ainsi qu'elles s'appellent elles-mêmes, je compris qu'il y avait de nombreuses variétés dans les infections utérines. C'est alors qu'une femme, veuve depuis longtemps, se présenta à mon observation. Elle était en proie à des distensions des nerfs. La sage-femme, ayant dit que la matrice s'était rétractée, lui prescrivit les moyens auxquels on a coutume de recourir en pareil cas. Grâce à la chaleur de ses remèdes, mais aussi grâce aux attouchements que la médication nécessitait aux organes génitaux, il survint que la malade fut prise de tiraillements, accompagnée à la fois de douleur et de plaisir, semblables aux sensations qu'on éprouve pendant le coït. Elle rendit alors un sperme épais et abondant et fut dès lors délivrée des maux qu'elle ressentait. De tout cela, il me paraît donc résulter que la rétention du sperme, imprégné de mauvaise humeur, a pour produire du dommage dans tout le corps une grande puissance, et que le sperme retenu favorise l'hystérie. Claude Galien, de l'hystérie. On est d'accord que le sperme, là, dont parle Galien, en fin de compte, c'est la cyprine. Oui, c'est ça. En fait, ça provient de la fameuse théorie des humeurs, qui va être la théorie qui va servir de base à la médecine pendant pratiquement 2000 ans. Et qu'on retrouve par exemple dans l'expression « être de mauvaise humeur le matin ». En fait, ce qui prône les médecins à ce moment-là, c'est la tempérance, dans le sexe comme dans l'abstinence en fin de compte. Oui, c'est ça, exactement. En revanche, là où on va retrouver les théories les plus radicales de l'abstinence, c'est dans le sport, et particulièrement avec un athlète athénien qui a gagné le pentathlon en 472 avant Jésus-Christ et qui s'appelle Icos de Tarente. Il était un Olympien très connu. Parce qu'il a gagné des prix aussi, il était très bon comme entraîneur des autres Olympiques. Il y avait des athlètes dans son cours d'entraînement qui tiraient leur prépuce tout le temps qu'ils faisaient l'entraînement. Et pour les Grecs, ça expliquait comment il a pu gagner et comment il peut entraîner les hommes tellement bien. Les athlètes des Jeux Olympiques sont si désireux de préserver leur chasteté que certains d'entre eux pratiquent la ligature à prépucie, la ligature de leur prépuce. Le membre viril de ces hommes a sans doute triste apparence, puisque Dionysos le leur fait remarquer dans la pièce d'Eschyle, Les Spectateurs. Je vois vos bites rapetisser comme des queues de souris. Vous avez durement travaillé, vous ne vous êtes pas relâché, vous vous êtes magnifiquement entraîné. L'athlète grec, triomphant, superbe dans sa chaste nudité, est donc à l'origine d'une croyance encore vivace aujourd'hui. La certitude qu'en retenant son sperme, on augmente la force physique et améliore ses performances sportives. Elisabeth Abbott, Histoire universelle de la chasteté et du célibat. Allez, enlève-moi mon pantalon. Et enlève le reste. Tu m'avais pourtant interdit de t'exciter. Vas-y, fais ce que je te dis. Raging Bull, de Martin Scorsese. Oh non, ça suffit, on arrête. Et il faut pas, c'est pas sérieux. Mais j'ai un combat contre Robinson, faut pas que je fasse le con. L'idée, c'est de se dire qu'il y a une perte d'énergie, en fait. Et en faisant du sport, si on veut être performant, il faut conserver son énergie. Philippe Lyotard, anthropologue et sociologue du sport. Et il y a des choses très intéressantes, notamment chez les boxeurs, qui expliquent qu'il faut tout garder, il ne faut pas dépenser l'énergie, il faut la garder pour le ring. Et après, on va pouvoir se relâcher, on va pouvoir se soulager. Et c'est comme s'il y avait une perte de force, en fait. Mais ce ne sont pas des choses qui sont fondées scientifiquement, dans la mesure où ça n'est pas abordé scientifiquement. Peut-être qu'il y a des travaux qui comparent les performances avant, après masturbation ou éjaculation, mais j'en connais pas. Avant ou après orgasme pour les femmes, mais j'en connais pas. Bonjour. Bonjour. Ben merci de nous recevoir à l'INSEP. Ben c'est un plaisir, bienvenue. Jean-François Robin, ancien gymnaste, responsable du réseau national de l'accompagnement scientifique de la performance. Ici, à l'INSEP, on est dans l'école des champions. C'est là où on forme les sportifs de haut niveau et c'est là où on les prépare pour les grands événements. Championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. Et donc là, on prépare ardemment les Jeux Olympiques de Tokyo, et les Jeux Paralympiques également et surtout Paris 2024 qui reste un objectif fort. Bon, ouais. Allez. On suit. L'essentiel des travaux de recherche qui sont faits ici vise à optimiser la performance et à augmenter les chances de médailles. Alors là, c'est des machines de torture, là. Oui, ça ressemble un peu à ça, effectivement. Ces machines, ce sont ni plus ni moins des outils que l'on trouve dans les cabinets de kinésithérapie, voire chez les gynécologues, puisqu'on a des échographes haute puissance. Et en fait, ça nous permet de mesurer les caractéristiques de la fibre musculaire à l'effort, notamment les caractéristiques d'élasticité, de vitesse, etc. Eh bien, on va aller se mettre en haut dans votre bureau pour discuter un petit peu plus précisément des questions de performance. Alors, est-ce qu'il y a eu, on va mettre les pieds dans le plat maintenant, est-ce que vous avez mené des études sur le rôle de la sexualité dans l'optimisation de la performance ? Depuis 10 ans que je travaille sur ces questions, je n'ai jamais entendu parler de ce type de travaux. Déjà, si on avait une intuition comme quoi ça pouvait fondamentalement changer les choses, on l'aurait déjà étudié. Et surtout parce que la sexualité est encore un domaine très sensible dans le domaine du sport de haut niveau. Et rares sont les entraîneurs qui se permettent d'aller sur ce terrain avec leurs athlètes. Ou inversement, les athlètes sur ce terrain avec leurs entraîneurs. Oui, c'est vrai que nous, à l'INSEP, après moi, ça fait 4 ans que je suis à l'INSEP, donc je ne suis pas non plus au courant de l'ensemble des recherches qui auraient été menées il y a 30 ou 40 ans. Les plus récentes, je les connais, bien sûr. Hélène Joncheret, chercheuse en sociologie et responsable du laboratoire Équilibre de vie du sportif de haut niveau. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux directement sur l'abstinence sexuelle et son lien avec la performance. Il y a quelques travaux dans les littératures scientifiques qui existent sur le sujet, mais ils sont peu nombreux. Après, ce qui est peut-être intéressant à voir dans ces travaux, c'est qu'en général, il y a quand même un objectif de regarder la performance comme une performance biopsychosociale, et notamment aussi, par exemple, à travers les croyances qui sont d'ordre plutôt psychosocial. Quand même, on a Mohamed Ali qui racontait qu'il n'avait aucune activité sexuelle 6 semaines avant un combat, que ça faisait partie de son protocole de préparation à l'échéance sportive. Donc on en a entendu parler. Et les premiers Jeux Olympiques, il y avait Ikos de Tarente qui se ligaturait le prépuce pour ne pas avoir d'activité sexuelle pendant la période des Jeux Olympiques à l'époque. Donc l'idée que l'abstinence pourrait favoriser la performance. Alors effectivement, il y a un certain nombre de croyances, mais je le dis bien, hein, ça relève de la croyance, voire de l'obscurantisme. Thierry Solaire, ancien membre de l'équipe de France de football américain et chef du pôle performance de l'INSEP. C'est comme la pub avec Zidane, je mets la chaussette gauche après la chaussette droite. Il y a des sportifs, ils sont dans cette construction-là, pour se sentir bien au moment de la compétition. Donc moi, effectivement, quand j'étais jeune, on me disait qu'il fallait se retenir d'uriner le plus longtemps possible, parce que ça créait un état de contraction donc qui tonifiait le corps, et que ça, c'était propice à l'activité gymnique. Et vous le faisiez, vous ? Ah bah oui, quand j'étais petit, je le faisais. Je croyais mon entraîneur. Mais on me disait aussi de manger de la magnésie, et que ça me rendrait plus fort. La magnésie, c'est l'oxyde de magnésium, c'est le produit que les gymnastes se mettent sur les mains. Donc oui, quand j'étais gamin, on volait de la magnésie, et en douce avec les copains, on mangeait de la magnésie. Et ça avait un effet ou pas ? Zéro, aucun effet, absolument aucun effet. Mais c'est drôle, parce que quand même, enfin, vous les scrutez beaucoup, les athlètes, vous leur regardez les fibres dans le détail, et vous leur organisez un rythme de vie, mais on dirait que c'est la chose dont on ne parle pas, cette sexualité aussi. Si dans la littérature, il s'avère qu'il y a peu ou pas d'interaction sur cette sexualité et la performance, nous, on va plutôt monitorer les états des athlètes au réveil, avec un sentiment de méforme. Mais si la littérature affirmait un peu plus fortement que une pratique débordante sexuelle amenait à la contre-performance, peut-être qu'on aurait un regard un peu plus particulier. Et il y a peut-être aussi un élément qu'on n'a pas évoqué, ce sont les croyances, justement. C'est le thème des croyances qui me fait penser à ça. Ce sont des liens entre une pratique sportive qui est considérée comme masculine ou à l'inverse féminine et une homosexualité. Et l'association entre, voilà, pour moi, enfin, elle est très forte, entre le sport, la représentation qu'on a du sport, s'il est dit masculin ou en tout cas perçu comme masculin ou féminin, et une sexualité. Et ça, moi, personnellement, ça m'a marqué en tant que sportive. En tant que joueuse de rugby, on m'a beaucoup posé cette question. Alors, tu es homosexuelle? Donc, je ne voyais pas très bien le lien entre la pratique sportive et sexuelle. Mais c'est encore très fort dans la représentation, même dans le sport de haute performance. Tony Boone, l'auteur de l'enquête « Le sexe avant une compétition athlétique, mythe ou réalité », a démontré que la sexualité n'avait aucun impact, ni bon ni mauvais, sur les performances sportives. Il a fait un test, il a fait courir 11 hommes jusqu'à épuisement physique total sur un tapis de course, un jour où il n'avait pas eu d'activité sexuelle, depuis 12 heures, et un autre où c'était le cas. Et les résultats ont été identiques. Pourtant, ce qui est curieux, c'est que cette idée, elle perdure, et bien au-delà du domaine sportif. Il y a plein d'artistes qui ont revendiqué avoir besoin d'une période d'abstinence pour créer, je pense à Camus ou à Picasso. Ouais. La sublimation, c'est à l'art ce que l'optimisation de la performance est au sport, à peu près, hein. Mais ce que je comprends pas alors, c'est pourquoi est-ce qu'on associe abstinence et christianisme ? C'est vrai que l'abstinence apparaît avec la chrétienté. C'est à ce moment-là qu'elle intervient en religion. Et c'est d'ailleurs le seul monothéisme qui fait de l'abstinence une règle de conduite. On retrouve pas ça dans l'islam, où les imams ont le droit de se marier. Et auparavant, le judaïsme n'avait pas fait de l'abstinence ni de la chasteté une vertu. Il y a un certain nombre de textes du Premier Testament. Je pense par exemple à certains textes du Deutéronome, ou bien plus encore le Cantique des Cantiques, qui sont rien moins, même si on a voulu y voir à un certain moment une dimension symbolique, qui ne sont quand même rien moins qu'un chant et qu'une approche érotique assez forte. Alain Cabantous, historien, auteur avec François Walter du livre « Les tentations de la chair ». Le christianisme veut se distinguer du judaïsme. Le christianisme va faire de la chasteté une vertu spirituelle. Alors chez Augustin en particulier, une réinterprétation de la Genèse et de l'arbre de la connaissance. Alors c'est évidemment un texte, qu'on soit d'accord ou pas, qui est assez extraordinaire du point de vue de la réflexion philosophique. Il dit, quand ils eurent mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ils virent qu'ils étaient nus. Et ils virent qu'ils étaient nus, pour Augustin, ça ne veut pas dire qu'ils virent qu'ils étaient humains, comme aujourd'hui on pourrait l'interpréter dans l'exégèse contemporaine, mais ils virent qu'ils avaient une libido. Ils virent qu'ils avaient un désir sexuel. Et donc, à partir de là, on a estimé que Adam et Ève avaient été chassés du paradis terrestre parce qu'ils avaient fait l'amour. Et que l'arbre de la connaissance avait même des fruits, une pomme. Et la pomme est devenue, évidemment, le symbole du fruit érotique, etc. etc. Donc, voilà comment les choses s'imbriquent les unes par rapport aux autres. Taste it. There's no harm. It is... disobedience. Il n'y a pas de trace de l'abstinence ou de la chasteté dans les évangiles, à part une parabole christique rapportée par Matthieu qui dit « Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Jésus ne parle pas du tout de ça. On ne sait pas si Jésus était marié ou pas, ça on n'en sait rien du tout, mais si on estime qu'il était célibataire, effectivement il était complètement en dehors du système. Parce qu'un rabbi célibataire, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul exemple dans tous les textes du Premier Testament. Il n'y a qu'un seul exemple d'un rabbi célibataire qui était marginalisé. Et puis les exégètes aujourd'hui pensent que ça c'est un ajout de Matthieu en direction de ce groupe qu'on appelait les Esséniens, dont est issu Jean-Baptiste, et qui était un groupe assez rigoriste au cours du 1er siècle. Donc c'est en interprétant de manière radicale Matthieu 19 que Origène, un des pères de l'Église, se serait castré, mais ça c'est pas du tout avéré. Mais très vite, pourtant, on voit naître tout un mouvement. On a parlé au IIIe siècle d'une véritable vague érémitique. Alors, c'est qui ces ermites qui partent vivre tout seuls dans le désert, là ? C'est des gens qui poussent à l'extrême la continence. C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment que même s'ils font le choix de la continence, dans le monde dans lequel ils sont, ils n'y arriveront pas à tenir. Donc, il faut se punir davantage, il faut s'isoler davantage. Et donc, l'isolement, c'est évidemment le désert. Et du coup, c'est la privation volontaire, mais qui est probablement liée aussi à un certain nombre de discours des pères de l'Église, hein, qui poussaient à l'extrême. Un petit peu comme ensuite on aura les mystiques au XVIe ou au XVIIe siècle. Alors je ne veux pas faire la comparaison, mais c'est le même type de démarche en fait. C'est-à-dire un isolement total par rapport au réel. Mais ça ne veut pas dire que le réel ne vous rattrape pas. Et justement, d'ailleurs, le réel les rattrape souvent. Mais oui, tout à fait. Alors, en allant se plonger dans l'eau glacée, enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment une espèce de délire corporel. Enfin, je ne juge pas en disant ça, mais ça devient effectivement un phénomène obsessionnel. Cette espèce de volonté de nier le corps, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié seulement à la souillure, c'est la négation du corps. Ce saint homme me dit « Quoique vous me voyez si fort avancé en âge et que j'ai passé plus de 40 ans dans cette cellule sans penser à autre chose qu'à mon salut, je ne laisse pas encore aujourd'hui d'être tenté. Pendant des années, le démon ne m'a pas accordé une nuit ni un jour sans m'attaquer. Il arriva que s'étant transformé en une jeune fille éthiopienne, qu'autrefois j'avais vue, il s'assit sur mes genoux et m'excita au point que je crus avoir commerce avec elle. » Plein de fureur, je lui donnai un soufflet, mais elle disparut. Étant devenu découragé et désespéré, je sortis et rends ça et là dans le grand désert. Ayant trouvé un petit aspic, je m'en saisis et le portai à mes parties génitales, afin que je mourusse par là où j'avais été tenté. Mais Dieu, par sa providence et par sa grâce, fit que je ne fus pas mordu. Je rebroussai chemin et passai en paix le reste de mes jours. Le démon, ayant connu mon mépris, ne s'est plus approché de moi. Mais derrière ce côté spectaculaire là qu'on vient d'entendre de la mortification des ermites et plus tard des mystiques, en fait, ce sont surtout les femmes qui sont séduites par l'abstinence prônée par les pères de l'Église. Pourquoi ? Parce que ça leur permet, à l'époque, d'échapper à la domination masculine et patriarcale dont elles sont victimes. Donc là, ce que tu essaies de me vendre, c'est que religion et abstinence, ce sont des moyens d'émancipation pour les femmes. À l'époque, absolument. La femme, juridiquement, est une mineure. Donc, elle dépend soit de son père, soit de son époux. Alain Cabantous. Et donc, la révolution, s'il y a une révolution chrétienne, elle est dans le fait que, premièrement, la chasteté n'est pas réservée aux hommes, non pas comme dans la culture gréco-latine où c'était uniquement réservé aux hommes. Les femmes peuvent s'en saisir pour se libérer, par exemple, du carcan et du cadre juridique, notamment celui de se marier ou de se remarier pour les veuves. Et là, il y a une rupture de la part d'un certain nombre de ces femmes, souvent d'ailleurs qui faisaient partie de l'aristocratie romaine. Hein, en choisissant la continence, notamment quand elles sont veuves, et elles sont veuves souvent relativement jeunes, elles font une démarche qui est en rupture avec la culture ambiante. Une religieuse était libre de toutes les réclamations, obligations familiales, etc., et pouvaient se consacrer à la vie religieuse. Elisabeth Abbott. En échange, elle avait les droits d'étudier, d'enseigner et de faire des correspondances avec les hommes importants dans la société. Il faut aussi toujours se souvenir qu'une femme enceinte a un pied dans le tombeau. Ça, c'était la vérité pour toutes les femmes pendant le monde. Ce discours sur la continence d'une part et la chasteté, voire la virginité, ben, quand on travaille un petit peu en démographie historique, on s'aperçoit qu'il y a la norme et la pratique. Et la pratique, c'est pas du tout la norme. Autant la charité a une application réelle, autant dans le domaine de la sexualité, c'est pas tout à fait ça. On se rend compte que le contrôle des clercs sur les ouailles à ce sujet-là est extrêmement défaillant. Et c'est là où on s'aperçoit aussi que, entre l'implication des règles religieuses et le comportement des prêtres, ben, y a encore un écart. Non mais là, on parle d'abstinence et de christianisme, mais en réalité, c'est surtout de catholicisme dont il est question. Parce que chez les protestants, tu n'as pas ça. Dès la Réforme, Luther est très sceptique face à la question des vœux de chasteté des moines et des prêtres. D'ailleurs, les pasteurs ont droit de se marier chez les protestants. Et les protestants n'ont pas de culte marial. La virginité de Marie, c'est le cadet de leurs soucis. Oui, d'ailleurs, on dit qu'un prêtre sur trois vit secrètement en couple. Moi, je me demande comment on peut avoir envie de prononcer des vœux quand on pense à ce à quoi il faut renoncer. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors on est à la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, mais qui sert de centre au séminaire de Paris, c'est-à-dire au lieu où se forment les futurs prêtres pour Paris. Je m'appelle Baudouin, j'ai 30 ans et je suis en 5e année au séminaire de Paris. Je m'appelle Alexis, j'ai 30 ans également et je suis en 4e année en formation au séminaire de Paris pour le diocèse de Paris. Je m'appelle Théophile. Donc je suis séminariste en dernière année, en 7e année, j'ai 33 ans et je viens d'être ordonné diacre. Olivier, donc je suis le recteur du séminaire, j'ai 59 ans, je suis prêtre depuis 1992, donc ça va faire 29 ans. Alors comment vient cette vocation ? Souvent c'est des longues histoires, il y en a qui ont eu vraiment des vocations très tôt, à l'école, au collège, et d'autres beaucoup plus tardives. Pour ma part, c'est en terminale, où pour la première fois j'ai eu cette question, donc qui était assez, peut-être même un peu égoïste, parce que c'était de me dire, mais il est où le vrai bonheur ? Et de sentir qu'en fait les plaisirs que je vivais alors, de ma vie étudiante un peu, qui partait un peu dans tous les sens, de me rendre compte que ça me rendait pas heureux profondément, et que j'avais besoin de quelque chose qui me comble davantage. Moi, j'avais fait une école de commerce et ça a été en sortant de l'école où se sont un peu posées toutes les questions, comme beaucoup d'autres étudiants d'ailleurs, qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie ? J'ai eu un chemin tout tracé ici. Et c'est reposer la question un peu brutalement de Dieu, où je me suis dit, ben, en fait, si Dieu existe, il faut que je choisisse quoi. Soit il existe et dans ce cas-là, il faut réellement que j'aille vers lui, soit il n'existe pas et dans ce cas-là, je l'oublie. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à faire pendant quelques temps, jusqu'à une retraite que j'ai faite en silence, donc une retraite de 8 jours, où au milieu de cette retraite, il y a eu une véritable rencontre avec un Dieu réel présent à côté de moi, qui m'a donné la certitude non seulement que Dieu existait, mais que Dieu m'aimait d'un amour que je n'aurais jamais pu rencontrer ailleurs. Et c'est cet amour-là, c'est cette rencontre-là, moi, qui a transformé ma vie et qui m'a dit, mais en fait, à cette personne, à ce Dieu-là, j'ai envie de tout donner. Et donc ça a mis 4 ans avant que je prenne la décision, finalement, de rentrer au séminaire. Oui, parce que c'est au prix d'un certain nombre de sacrifices quand même. Hein. C'est un choix qui se pèse. Ouais, c'est vrai que c'est un renoncement qui affecte toutes les dimensions de ce qu'on appelle la vie ordinaire, hein, donc la dimension professionnelle, la dimension affective, amicale. Mais ces renoncements sont ordonnés à un vrai oui. C'est parce que je dis oui à Dieu pour me mettre d'une manière particulière à son service que je pose ces renoncements. De fait, je pense que avant d'entrer au séminaire, c'est quand même une des questions principales qu'on se pose. Alors c'est sûr qu'on est toujours, on est traversé par plein de désirs. Il y a ce désir très profond de tout donner dans une vie consacrée de célibataire. En même temps, il y a d'autres désirs, d'autres pulsions qui peuvent arriver aussi. Et ce qui est un peu compliqué au moment du séminaire, ce qui pose question, c'est que d'un côté, notre choix n'est pas définitif. Jusqu'à l'ordination diaconale, ben, je peux toujours dire ciao, je m'en vais, Olivier, merci. par contre, puisque c'est quand même ce que je désire vivre, ben, je dois quand même essayer de le vivre totalement, quoi, même si pas définitivement. Et c'est ça qui est difficile. Donc, ce temps de séminaire doit m'aider à voir, ben, est-ce que ça porte du fruit, est-ce que je suis réellement heureux. Est-ce que j'en comprends le sens? Est-ce que je comprends que c'est pas juste une lubie que j'ai eue un moment et qu'en fait, il vaut mieux que je fasse autre chose? Voilà, c'est tout ce à quoi sert le temps du séminaire. Et c'est assez sage, je pense, que ça dure aussi longtemps. Mais comment vous faites? Parce que vous êtes jeune, et dans cette société où il y a tant de sollicitations, de stimulations, comment vous faites pour résister? Plus on a le manque, plus on sent qu'on est attiré par ces choses-là, ça c'est clair et net, et ça prend tout d'un coup une place dans notre esprit beaucoup plus importante que ça ne le pouvait. Et ben, on se rend compte qu'il faut être d'autant plus exigeant avec nous-mêmes et d'autant plus prudent, avoir une certaine assaise en veillant à qu'est-ce que je regarde, comment est-ce que je nourris mon imaginaire, mon imagination, en me rendant compte que tout ce qui est à l'extérieur en fait a une influence sur mon intérieur, que tous ces désirs qui vont me traverser, qui traversent mon cœur, ils viennent pas non plus de nulle part, ils sont aussi nourris par les films que je regarde, par les pubs qu'il y a, etc. Et donc c'est qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je laisse entrer, et comment est-ce que je réussis à avoir une véritable unité dans mon cœur entre cet extérieur et cet intérieur. Je rejoins vraiment ce qui a été dit sur le fait que ce soit un combat qui est quotidien, qui est jamais définitivement acquis, un combat qui est parfois douloureux, mais qui est aussi souvent bien heureux de cette joie qui est vraiment propre à l'Évangile, hein, c'est la joie des béatitudes. Si vous savez, ces joies paradoxales où Jésus nous dit « heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Et je pense que le célibat vécu est une forme de pauvreté, puisque la place vide à côté de moi, où il pourrait y avoir une épouse et des enfants, eh bien, est signe de cette pauvreté. Et que cette pauvreté vient rejoindre aussi, et ça je pense que c'est très important dans notre relation avec le monde d'aujourd'hui, notre société, comme vous l'avez dit, hypersexualisée, ce qui fait que beaucoup de personnes, notamment ceux qui souffrent d'un célibat non choisi, souffrent très profondément, et vous parlez au début des sexualités empêchées, les personnes handicapées, mais aussi les personnes qui sont en prison, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui, pour différentes raisons, n'ont pas de vie conjugale, n'ont pas de vie sexuelle. Et le fait de vivre ce célibat choisi permet de communier à la pauvreté de ces personnes-là. Notamment, je pense à un ami qui a des troubles psychiatriques et qui, de ce fait, ne peut pas avoir de copine, ne peut pas avoir de vie amoureuse, ou alors c'est très compliqué. Et je sens qu'il y a une proximité entre nous deux qui dépasse largement tous les discours que je pourrais lui dire, hein, une proximité de l'ordre de l'être, une proximité non verbale. Et ça, ce fait de communier à la pauvreté des autres, eh bien, donne cette joie paradoxale des béatitudes. Voilà, le célibat est une pauvreté, est une béatitude, je pense. Ce que je voulais dire aussi, c'est que un peu avant de rentrer au séminaire, j'en parlais avec un ami qui n'imaginait même pas possible, en fait, que le célibat des prêtres puisse être un véritable célibat chaste et continent. Il me disait texto, de toute façon, c'est sûr, les prêtres, ils se masturbent tous les soirs, etc. Et je pense que le principal problème, là, il vient du fait qu'on voit ça exclusivement comme un renoncement. C'est clair et net que si je me masturbe le soir, il y a une question du fait où je me dis, ben, en fait, l'amour de Dieu ne me suffit pas. Je me rends moi-même autosuffisant. Et je pense qu'il y a un signe très fort de rappeler que, certes, on est tous des êtres sexués, mais notre personne, la personne humaine, est plus que sa simple sexualité. On ne se réduit pas à notre sexualité, même si elle est partie toujours intégrante de notre personne, qu'on soit célibataire ou pas. Et donc, ça nous rappelle qu'on est toujours libre de décider des actes qu'on pose, et qu'on n'est pas esclave de ce qui peut nous traverser, mais qu'on... Ouais, on est d'une certaine manière, en vivant un célibat chaste, joyeux, heureux, on est signe de cette liberté. En fait, d'une certaine manière, ça rend Dieu très concret. Mais certains d'entre vous ont déjà eu une relation sexuelle où vous êtes tous vierges et vous arriverez vierges à la prêtrise. Je pense pas que tout le monde soit vierge au séminaire. Non, après, moi je répondrai pas directement à cette question parce que je trouve que c'est pour le coup ça. Ça concerne vraiment quelque chose d'assez privé. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a tous eu des histoires d'amour. Et moi, vraiment beaucoup, hein, depuis le CP. Chaque année, je suis tombé amoureux de dizaines et de dizaines de filles. Bon, la moitié, j'ai pas été capable de leur dire, mais et puis l'autre moitié, ça s'est jamais très bien passé. Non, j'ai eu des très belles histoires, mais je veux dire que, bien sûr, que cette émotion, que cet amour nous habite, et que d'ailleurs, demain, moi qui suis diacre, malheureusement, je peux tomber amoureux d'une paroissienne, et ça, c'est possible, quoi. Et ça, j'en suis conscient. Donc c'est aussi à nous, avec notre raison, avec notre engagement qu'on a pris, de gérer ces élans amoureux. On fait de cette abstinence-continence la cause des crimes sexuels dans l'Église. Et est-ce que vous, d'ailleurs, les jeunes aussi, ça vous effraie pas de vous dire est-ce que ça va pas me pousser à un moment à faire des actes, alors non seulement répréhensibles devant Dieu, mais répréhensibles devant les hommes? Ce qui me pose problème en disant ça, c'est que si je dis ça, c'est que je vois le mariage comme une sorte de défouloir où j'assouvis ma pulsion sexuelle, et donc la femme n'est juste qu'un objet que je vais utiliser, quoi. Or, j'espère que si je me mariais, ça serait pas ça. C'est juste la première réaction que j'ai comme ça. Et je trouve que le mot continence, d'une certaine manière, est un peu piégé, parce que quand on entend continence, on entend tout de suite contient. Comme si il fallait vraiment qu'on se contienne le plus possible, qu'on refoule tous nos désirs, toutes nos pulsions, etc., jusqu'au moment où ça va exploser dans tous les sens. Et j'ose espérer que dans la manière dont les personnes qui s'occupent de nous dans l'Église, qui s'occupent des séminaristes, nous accompagnent, j'ose espérer qu'ils vérifient qu'on ne vit pas cet engagement-là comme une obligation, mais que c'est un vrai choix libre en toute conscience. Si jamais c'est un choix libre, dans ce cas-là, je le vis bien. Si jamais je le vis comme une obligation en me disant « je veux être prêtre, mais en plus de ça, il faut que je me coltine le célibat », là, c'est sûr qu'il va y avoir un problème un jour ou l'autre. D'abord, je confirme ce que disait Baudouin, comme formateur de futurs prêtres, on est très attentif à ce que le choix du célibat soit un choix libre. Si nous, on constatait que le célibat était subi ou même pris dans le paquet parce qu'il faut bien le prendre, on dirait « Ouh là, doucement, tu veux pas aller travailler un an, voir autre chose, repenser au mariage possible, etc. » Enfin, on donne vraiment au maximum cet espace, ce champ de liberté, pour que le célibat soit pas une contrainte, mais soit un vrai choix d'amour, en fait. Je pense que notre célibat, il est difficile à comprendre quand on ne croit pas que Jésus est ressuscité et qu'on est appelé, nous, à ressusciter. J'avais dit ça un jour à un groupe de terminale. Je me rappelle, j'étais dans un collège à l'ouest de Paris, un collège catholique de l'ouest de Paris, donc vous imaginez. Et je parlais à tous les terminales, garçons et filles, et ils me posaient la question du célibat en disant « Enfin, c'est quand même ridicule, regardez, j'étais jeune prêtre, etc. Bon, enfin, vous pourriez très bien vous marier, etc. Bon, pourquoi vous vous mariez pas ?» Et alors je me rappelle avoir répondu, sans même réfléchir, mais « Peut-être pour que tu me poses cette question. » Et puis derrière, j'ai dit « Est-ce que tu crois en Jésus mort et ressuscité pour nous ?» Bon, pas tellement, enfin... Alors je vais t'expliquer mon célibat, mais je suis pas sûr que tu comprennes complètement. Parce que c'est à l'intérieur aussi de la foi, quoi. Il y a une fin, une finalité de notre célibat qui est d'exprimer que notre vie n'est pas faite pour s'arrêter à la condition présente, avec l'amour qui s'exprime corporellement, de manière sexuelle, génitale, et qui engendre. Mais que aussi notre vie, elle est appelée, y compris avec notre corps, à vivre un amour total, Dieu tout en tous, Dieu amour tout en tous. Alors ça peut paraître une espèce d'utopie, mais nous, on l'appelle espérance. Alors après l'abstinence comme moyen d'émancipation, là maintenant c'est la chasteté comme voie vers l'immortalité. Tu vas bientôt me parler de la continence comme source d'orgasme, c'est ça ? Non, mais c'est vrai. En fait, la dimension punitive de l'abstinence, en réalité, elle est toute récente. C'est au XVIIIe siècle qu'elle apparaît seulement. Mais c'est pas à cette époque qu'on commence à dire que la masturbation, ça rend sourd ? Ouais, si, c'est Tissot qui dit ça. Et en fait, la particularité de cette époque, comme l'a montré Foucault dans La volonté de savoir, c'est que s'allie la médecine avec la religion pour s'intéresser au sexe. Mais le paradoxal là-dedans, c'est que, comme pour contrôler son objet, on doit apprendre à le connaître, certains de ces messieurs vont notamment se pencher sur le plaisir et le désir féminin, ces grands inconnus, et essayer de les comprendre et les décrire. En quelque sorte, ils vont y mettre le doigt, mais pas que pour votre bien. Oh, Virginia, n'est-ce pas merveilleux ? N'avez-vous pas l'impression parfois d'être dans l'endroit le plus sain de la planète ? Ma chère Éléonore, il n'existe pas de plus grand plaisir pour une femme que de pédaler en culotte sur un bon vélo. Vous savez que la bicyclette pour les femmes, c'est extrêmement mal vu chez moi, Peterskill. Oh, elles ne savent pas ce qu'elles ratent. Le grand air, l'exercice et le plaisir d'avoir une bonne selle en cuir entre les cuisses. Oh, Virginia, que voulez-vous dire ? Mais le sourire du vélo, comme on l'appelle. Il a changé ma vie. J'ai peur de ne pas bien comprendre. Ma chère, j'ai fort peu de satisfaction dans le domaine sexuel de la part de mon mari et j'ai découvert qu'une longue promenade à bicyclette une fois par semaine me convient. Allons, vous deux, remuez-vous, on traîne. Elle est devant, Éléonore. Je sens venir un sourire. Certains médecins se posent la question de savoir si oui ou non on peut autoriser aux femmes le fait de faire de la bicyclette. Pourquoi ? Philippe Lyotard. D'abord parce qu'il y a toujours le risque que ça abîme l'utérus, l'appareil reproducteur. On n'a pas de données, mais on s'inquiète. Mais surtout, il y a aussi la peur que les femmes en profitent pour se masturber en croisant les cuisses d'une certaine manière. Et ça reprend une autre préoccupation vis-à-vis d'ouvrières cette fois, les couturières, qui utilisaient là aussi les pédales de machines à coudre, et qui produisait des questionnements chez les médecins pour savoir si parmi ces ouvrières, il n'y avait pas qui allait utiliser ça pour se masturber. Donc on a vraiment une vision morale qui vise à couper l'exercice physique de la possibilité de s'exciter physiquement. Bonjour mesdames. Bonjour docteur. La masturbation est le pire péché d'autopollution. Le plus écœurant de tous les reptiles rampant dans la fange et croupissant dans les eaux stagnantes ne s'avilirait pas de cette façon. C'est le péché donnant. L'infirmière Blanthal a trouvé cet appareil sous votre lit, monsieur. Vous ne savez pas que ces choses peuvent vous tuer ? Comment avez-vous pu être aussi stupide ? Laissez-moi vous dire ceci, monsieur. Il faut affermir vos résolutions et non pas vos organes. Alain Cabantous et François Walter ont une expression géniale. Ils parlent d'une obsession génitale de la bourgeoisie à cette époque. Mais c'est complètement ça. Surtout quand on sait que la ceinture de chasteté du Moyen-Âge, celle qu'on voit dans les films, etc., en fait, ça n'a jamais existé. Ah bon ? C'est vraiment au 19e siècle que ça commence tout ça, qu'on commence à inventer des choses complètement folles comme la palette de pureté. Tu sais ce que c'est la palette de pureté ? Non. C'est ce qui permet de rentrer sa chemise dans son pantalon, mais sans toucher ses parties génitales. Ah ouais, eh ben, c'est un peu comme une autre invention qui a été faite au 19e siècle. Ces aliments qui sont censés éteindre le désir, tu les connais ou pas ? Genre quoi ? Genre le bromure ? Non. Genre quelque chose que tu donnes à tes enfants le matin et qui, en fait, a pour but de calmer leur libido, de les châtrer momentanément en réalité. Docteur Kellogg, comment en êtes-vous venu à inventer le cornflake ? Le cornflake, monsieur, n'est qu'une de mes 75 inventions pour une vie plus saine. Monsieur, le maïs a été un cadeau des Indiens au Nouveau Monde, le cornflake est mon cadeau à toute la planète. Et que pensez-vous de votre frère ? Mon jeune frère, W.K. Kellogg, a travaillé pour moi, comme assistant sous-payé pendant des années. Maintenant, il est à son compte et fait fortune avec mon invention de cornflakes. Il a malheureusement choisi le nom de la famille pour le promouvoir. Mais le monde entier ne connaît en fait qu'un seul Kellogg, moi, le docteur John Harvey Kellogg. Chirurgien, inventeur, écrivain et champion de la vie biologique. Ici, à Battle Creek, j'ai créé un centre de santé où les âmes s'épanouissent, les esprits sont éduqués et où les intestins peuvent renaître. Il était de religion Seventh-day Adventist. Elisabeth Abbott. Il était marié pour 40 ans, il était vierge. Il restait vierge, sa femme aussi. Ils ont eu des enfants par adoption. Et il était très connu comme médecin, écrivain, et aussi il avait un grand spa, on peut dire, une institution où il y avait des clients qui allaient là pour se guérir. Ses méthodes étaient réellement strictes et puritaniques. Beaucoup de sport, beaucoup de discipline, beaucoup d'exercices et de la chastité absolue. Et on ne pouvait pas manger les choses stimulantes, c'est-à-dire pas de thé, pas de café, pas des épices, rien qui était délicieux, on peut dire. Et puis, il a vu que les flocons de maïs étaient cornflakes, étaient bons pour la santé, mais aussi, c'était sans goût, presque. Donc, ça, c'est pour lui doublement bon. Bon pour la santé, et ça n'a pas stimulé la sexualité et les désirs. C'était un grand succès, et puis maintenant, nous mangeons ça toujours. Mais au cas où la méthode douce ne fonctionne pas, le bon docteur Kellogg proposait aussi dans son sanitarium de Battle Creek des méthodes un petit peu plus radicales et aussi sans doute un petit peu plus efficaces. C'était incroyable ce qui était pratiqué. Les garçons qui touchaient leur pénis avaient les mains liées contre leur dos ou au lit pendant toute la nuit. On peut imaginer comment ça c'était difficile à dormir. Ou, pire, on coupait un petit peu de pénis, on mettait des fois l'acide sur ça pour le blesser, une sorte de mutilation. Comme ça, c'était tellement pénible de toucher le pénis qu'il n'y avait plus de masturbation. Les remèdes sont pas juste bizarres, mais cruels. Est-ce que, au XIXe siècle, la question de la masturbation devient à ce point centrale, occupe tous les esprits, va dicter et imposer des comportements depuis les pensionnats, jusque même le comportement à table, hein, on met les mains sur la table dans la tradition française, alors que dans la tradition anglaise, c'est les mains sous la table. En France, on considère que les mains sous la table, on pourrait être en train de se toucher. Ouais. Alors là, je pense que ça renvoie à la vision de la sexualité qui est rapportée à une norme très simple, hein, c'est le fait que la sexualité s'inscrit d'abord dans un rapport entre un homme et une femme. Philippe Lyotard. Un rapport qui s'inscrit dans un cadre légitime qui est le mariage et en général dans une perspective de procréation. La masturbation, c'est au contraire, c'est la dépense de l'énergie, la dépense de la semence, du sperme ou l'accès au plaisir pour rien. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose à voir effectivement avec le contrôle des énergies, je crois. Qu'est-ce qui fait qu'une énergie qui n'a pas de perspective de production, de productivité, pas d'efficacité, pas de performance, mais qui est dépensée pour elle-même et pour ce qu'elle apporte en matière de plaisir, par exemple. Un plaisir gratuit, c'est problématique. Il faut pas voir là que de la pudibonderie. Derrière ces 1000 petits noms au plaisir, rappelle Foucault dans La Volonté de Savoir, il y a une grande affirmation. C'est celle de la bourgeoisie qui affirme son existence et qui étend son pouvoir à ce moment-là. Dès la fin du XIXe siècle, on voit émerger chez les militantes socialistes, anarchistes, des théories abstinentes. Voltairine de Clare, par exemple, elle critique le mariage et elle dit que c'est une forme de prostitution déguisée. En réalité, il y a plein de célibataires endurcis parmi les héros de la classe ouvrière. En quoi l'abstinence peut être moins religieuse et plus révolutionnaire ? Parce que c'est toujours à l'égard d'un idéal que ça fonctionne. Et là, l'idéal est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on se donne en entier pour la révolution. Tout est fait pour la cause. Il y a presque, on se donne entièrement à la cause. Vous évoquez Louise Michel. Mais bien sûr, voilà, qu'on appelait la Vierge Rouge. Et qui, effectivement, ne s'est pas mariée. Elle a eu l'occasion de le faire, mais elle s'est entièrement donnée à la cause révolutionnaire pour laquelle elle se battait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un livre sur Louise Michel, qui est paru dans les années 30, il y a une comparaison entre Louise Michel et Jeanne d'Arc. On indique bien que l'une était vierge pour des raisons religieuses et l'autre était vierge pour des raisons politiques, mais enfin, ça se rejoint quelque part. Si la libération sexuelle des années 70 a fait disparaître momentanément la question de l'abstinence, elle ressurgit régulièrement depuis, sous des formes nouvelles en fonction des lieux ou des époques. Sous, par exemple, sa forme réactionnaire, quand elle est prônée par Bush, le président des États-Unis, qui voit en elle le moyen de lutter contre le sida. Ou de manière plus révolutionnaire, par ceux qui proposent d'arrêter, non pas de faire l'amour, mais de consommer. Tikkun, premier matériau pour une théorie de la jeune fille. La prétendue libération sexuelle s'est traduite dans ses ultimes conséquences par une libéralisation du sexe et de ses secrets, en un marché du désir autonomisé de son objet comme de son sujet. Marché pour lequel le coït, nouvelle forme de l'équivalent général abstrait, doit avoir lieu comme un commerce parmi tant d'autres, indépendamment des personnes qui s'y trouvent impliquées, des sentiments qu'elles éprouvent, de l'atmosphère et de l'humeur où elles se trouvent. L'érection mécanique, payable à vue, au porteur, l'a emporté sur toute métaphysique de l'éros. La scientia sexualis, qui à partir du XVIIIe siècle se substitue à l'ars erotica, est un savoir construit et produit pour désamorcer le potentiel inquiétant que le sexe, en tant que manifestation physique du métaphysique, porte en soi. Si auparavant il suffisait pour rendre inoffensive la sexualité de la noyer dans une éloquente censure, tout le problème est aujourd'hui pour la domination de savoir comment la ressusciter, en un temps où elle se meurt, vidée de son sens occulte, exilée de la part maudite. Ce qui doit être évité, c'est que son silence soulève des questions, et que l'ombre de son absence apparaisse dans l'éclairage forcé de l'éternel midi de la société marchande. Bon, en quelque sorte, c'est du Foucault, matinée de situationnisme. Ouais, c'est pas faux, parce que ça résume assez bien cette idée que la sexualité est en réalité un dispositif, et un dispositif aliénant. En gros, qu'on s'abstienne ou qu'on consomme, on est toujours pris dedans, quoi. Ouais, donc la vraie question au final, c'est pas vraiment d'arrêter le sexe, ni d'arrêter de faire l'amour, mais c'est casser ce dispositif. C'est s'en extraire, en fait. Oui, c'est ça. Mais il faudrait voir comment faire, parce que moi, je commence à m'inquiéter, parce que après presque 8 mois sans rien, mon désir, moi, est pratiquement éteint. Je me demande si les hormones se sont pas arrêtées de travailler. Enfin, il paraît que la testostérone commence à chuter. Mais je crois surtout que le fait de parler de sexe toute la journée, ça a fini par me couper l'envie. À qui le dis-tu ? Des vertus de l'abstinence. Avec Elisabeth Abbott, Alain Cabantous, Philippe Lyotard, Jean-François Robin, Hélène Joncheret et Thierry Solaire de l'INSEP, Baudouin, Alexis, Théophile, Albert et Olivier Decagny du Séminaire de Paris. Merci à Karine Dahl, Emmanuel Roederer et Pauline Gauthier. Extrait de Raging Bull de Martin Scorsese, La Bible de John Huston et Au bon soin du Dr Kellogg d'Alan Parker. Prise de son, Stéphane Beaufils et Bruno Mourlan. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancrède Ramonet, réalisée par Séverine Cassard.